partout dans vos oreilles. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage requis. On reçoit Maxime Lemieux, l'armée, avec sa chronique « On télécharge quoi? » Et on s'ajuste à la toute nouvelle chronique du département de chiropratique de l'UQTR. Assemblage requis, tout de suite! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées, on est en direct des studios C'est fou à Trois-Rivières en ce mercredi 23 février. Applaudissez en studio tout le monde! Applaudissez! C'est génial! Ben, tu l'aides pas avec ça. Moi c'est Mathieu Plante en passant, salut. Bonjour Mathieu. Tu vas bien? Ça va bien toi? François-Olivier Marchand, oui! T'es de bonne humeur ce matin? De bonne humeur, de bonheur? Ben, de bonne humeur, de bonheur et le bonheur est dans les gens qui se lèvent de bonheur et etc. Là. Comme les expressions le disent si bien. Ouais! Yeah! Yeah! Bon, aujourd'hui à l'émission, on a plusieurs sujets de renom. De renom, tout de à renom. Fait. On a Maxime Lemieux Ramé avec sa collègue qui télécharge quoi? Comme à chaque semaine, il va nous présenter ses découvertes musicales. Exactement, exactement. Souvent, c'est trois artistes. Donc, on peut s'attendre à trois artistes. Oui, aux alentours de 8 heures. Oui, environ. Ensuite, à la fin de l'émission, vers les 8h30, c'est la chronique L'Ajustement. Où on va recevoir quelqu'un du département de chiropratique de l'UQTR pour discuter des qu'est-ce que c'est ça, là, la chiropratique. Là, c'est cette affaire, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Non, mais sans blague, des sujets très intéressants à discuter avec eux dans L'Ajustement vers les 8h30. Et puis ça, c'est une nouvelle chronique qui va être récurrente. Exactement, à chaque semaine, ici même, dans Assemblage requis, et à chaque semaine, dans Dîner de con aussi, mais différents jours, différentes façons de traiter le sujet, mais on vous en reparlera tout à l'heure. On a aussi une chronique, c'est un fait, qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est immanquable. Hein? Ça, c'est apprécié. Toujours très apprécié. C'est toujours très apprécié. C'est sûr. Mais on commence en musique avec Modest Mouse. Avec une très bonne pièce ce matin, World at Large. Non, moi, je dis qu'on fait jouer une mauvaise pièce. Oh, ouais? Non. Donc, la bonne pièce de World at Large de Modest Mouse au 89.fm. C'est fou. La radio campus de Trois-Rivières. Ice age heat wave can't complain. If the world's at large, why should I remain? Walked away to another planet. Gonna find another place, maybe one I can stand. I move on to another day, to a whole new town with a whole new way. Went to the porch to have a thought. Got to the door and again I couldn't stop. You don't know where and you don't know when, but you still got your words and you've got your friends. Walking on to another day, work a little harder, work another way. Well, baby, I ain't got no plan. Gonna float on, maybe, would you understand? Gonna float on, maybe, would you understand? Well, I float on, maybe, would you understand? Shorter and the nights get cold. I like the autumn, but this place is getting old. I pack my belongings and I head for the coast. It might not be a lot, but I feel like I'm making the most. The days get longer and the nights smell green. I guess Not surprising, but it's spring and I should leave. I like songs about drifters, books about the same. They both seem to make me feel a little less insane. Walked on off to another spot. I still haven't gotten anywhere that I want. Did I want love? Did I need to know? Why does it always feel like I'm caught in an undertow? Against the lights, adding the breeze to the summer nights. Outside water like air was great. I didn't know what I had that day. Walk a little farther to another plane. You said that you did, but you didn't understand. Starting over's not what life's about. But my thoughts were so loud I couldn't hear my mouth. My thoughts were so loud I couldn't hear my mouth. My thoughts were so loud. Olivier, Mathieu Plante, pièce détachée, assemblage requis. L'argent autour de moi, ça les aide à comprendre. Si je traîne avec un sac, c'est que Tonton Klaxon de numéro à Assemblage Rocky au 89.1 FM, en FO. Tout à fait, Mathieu. T'es d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Tonton, il klaxonne, hein? Tonton, il klaxonne à matin. Bon. Il faut faire attention, par exemple. Pas de rage au volant, c'est bien important. Quand on est au volant, on est pogné dans le trafic, ce truc-là, on respire, on prend des grandes respirations, on se détend. Idéalement, faut faire attention. C'est ça. Pas d'alcool, pas de drogue. Ah ben, pas d'alcool, pas de drogue. On n'arrive pas de café parce que ça peut aussi stimuler, donc tu... pas trop, mais, là. Mais ça, c'est propre à chacun. Si toi, Mathieu, t'aimes ça, vivre dangereusement et boire du café, vas-y, gâte-toi. I live on the edge. Je vis ma vie au maximum. Je vis ma vinaigrette, comme ils disent. C'est la première fois que j'entends ça. Non, pour vrai, ouais. Je pense que c'est une chanson. Je vis ma vinaigrette. Mais je sais pas c'est quoi l'air, fait que là, je la chante comme ça, puis c'est pas ça. Mais c'est ça. Mais pour moi, le café, c'est sûr, définitivement, je mets une croix là-dessus. Ça, ça me donne... Ça pousse. Oh, c'est plus dans les... Dans la tuyauterie. Mais petit doigt. Tu me donnes bien. Ah ouais, c'est pas l'affaire de petit doigt, puis là, tu fais un vœu, puis après ça, non, quelqu'un dit quelque chose? Ben, ouais, peut-être. Ça, j'ai déjà vu ça. Ou sinon, une bine sur l'épaule, puis c'est le premier qui dit à l'autre, tu me donnes bière, que l'autre est obligé de bien bière. Ah, mais ça, quand tu la sais, c'est tellement facile de le dire en premier. Ouais, ouais. Faut que tu informes l'autre aussi. Ben, je pensais que t'étais au courant, Mathieu. Mais là, écoute, on s'assinera pas, tu me paieras une bière, et puis okay. après ça, tu vas être au courant. C'est réglé. Donc... Ouais. Toi, ce matin, le café est bon? Oui, ben mon café, j'ai pas encore commencé en fait. Non? Non, mais je le commence très tard. Trop chaud? Trop chaud? Ouais, beaucoup trop chaud, premièrement, parce que j'ai une tasse ultra thermos, super fancy de luxe, Pimp Edition. Super sophistiqué. Oui, et puis garde mon café chaud de 6h15 le matin jusqu'à genre 2-3h de l'après-midi. Là. Il est encore parfaitement chaud à 2-3h de l'après-midi, c'était carré. Donc, ça fait que je bois mon café sur une très longue période, fait que moi, la tuyauterie, parfaite. Non, du tout. Et nickel. C'est ça. T'avais un sujet à nous discuter, François? Est-ce que c'était assez intéressant pour qu'on en parle pendant tout super? Non. C'était vraiment pas intéressant. Donc, on est revenu en onde pour dire ça? Ben, écoute. Parle de la tuyauterie. Ben, écoute, vu que t'as abordé le sujet, ouais. Je peux. Puis en plus que tu parles de tuyauterie. Ah, écoute. Oh. C'est un mineur qui a fui au fond du puits. Un enfant ou quelqu'un qui travaille dans des mines? Quelqu'un qui travaille dans des mines, mais okay. Qui s'est fait montrer la porte. En fait, il a été congédié à 46 ans. Il a été licencié en septembre. Et puis, il a disparu depuis janvier et qui était recherché par sa famille. Il n'a pas été licencié comme dans maintenant, il peut vendre de l'alcool. Là. Non. Non. Non. Okay. Non. Ben, peut-être au fond du puits. Ça, l'histoire ne le dit pas. Mais licencié dans le sens que perdre son travail. Renvoyer. Pas renvoyer comme dans le sens de vomir. Non, pas renvoyer dans le sens de vomir. Vraiment, perdre son travail. Là. Slacker. C'est... OK. Tu comprends ça? Oh, oui. T'es sûr? Ça va, desserrer la ceinture. Ouais. Sinon, je peux te réexpliquer le tout. C'est correct. T'es sûr? C'est sûr. C'est sûr, parfait. Bon, s'il y en a qui comprennent pas, ils peuvent toujours nous appeler. 819-376-5123. Bien sûr. Hein? Donc, gars se fait sacrer dehors. Oui. D'accord. Exactement. Et puis, il s'est retrouvé dans son ancien puits, si on veut. Là, OK. À 765 mètres sous terre. C'est un des employés de la mine qui travaillait qui a remarqué quelqu'un qui avait pas rapport. Oui. Donc, en fait, là, ils ont retrouvé un homme qui était épuisé et qui souffrait de déshydratation majeure. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital. Et puis, la police, en fait, n'exclut pas qu'il a passé plusieurs semaines au fond de la mine. La famille avait d'ailleurs alerté la police de sa disparition le 2 février dernier. Mais il a été vu pour la dernière fois un mois auparavant, donc en janvier. Donc, avant d'être licencié, le fugitif avait travaillé pendant plus de 20 ans comme mineur au fond. Woodjack, Il connaissait parfaitement tous les couloirs et ses passages, donc, et puis toujours selon sa famille, il a très mal vécu son licenciement. Donc c'est assez spécial de voir quelqu'un aller s'enfermer complètement dans le fond, à 765 mètres, sous terre, pour errer dans la mine. C'est vraiment bizarre. Très bizarre. C'est vraiment bizarre. Et ici, alerte à la joke poche de Radio Commerciale. Il avait pas bonne mine. Genre, il ferait ça, t'sais. Il serait très riche. Il tape ses mains. Mais c'est spécial. Oui, ben oui. Ça, c'est spécial. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Plante. Caroline. Hein? Vous êtes à Assemblage requis. Il nous reste 1h30 ensemble. Ça, c'est à peu près 93 minutes. Ouais. 93 minutes. C'est précis. Ben, je sais. Comme en 93, là, c'était la fin des molottes. Il n'y a plus vraiment de molottes rendues là. C'était coupe longue, c'était fini, ça. Business on the front, party on the back. C'est pas mal ça. C'est cœur. C'est la fête en arrière de la tête. Ouais. Hein? Fête en arrière de la tête. Sauf qu'en levant, se met de la partie, là. Et t'as pas l'air d'être un joueur de plus. On parle pour rien dire. On écoute un petit bloc de nouvelles entrées du palmarès anglophone. Tout à l'heure, il va y avoir The Deers avec leur nouvel album Degeneration Street. On débute avec Armistice, composé de Cœur de Pirate, Béatrice Martin et Jay Malinowski de Bedouin Sound Clash. Leur pièce du palmarès s'appelle Mission Bells et la voici à l'instant. Assez fou. 89 FM. Joyeuse fête. Aussi. Pas ma fête. Ah là, c'est moins fête. Mais c'est fiesta. Fiesta. C'est fou dans vos oreilles. 89.

Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Je laisserai les marées basses me raccompagner jusqu'à chez moi. J'implorerai le temps qui passe de cesser de passer par là. La nuit est jeune à ce qu'on dit baliverne. La nuit est vieille et périssable. Elle est inflammable. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma chez elle, à me regarder mourir de honte. Il y a à boire et à fumer, mais il n'y a rien à croire. Une tumeur, médaille d'or, a dévoré mes espoirs olympiques. Je n'ose plus sortir dehors, j'ai peur de m'y perdre encore. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. Oh, ma maison qui brûle, je fume ma peau. La nouvelle entrée de Peter sur le palmarès francophone, c'est la pièce Homa. On m'a dit que c'était pour Hochelaga Maisonneuve. J'ai entendu ça au dîner de con hier. Quelle bande de génie. On écoutait la même émission. Oui, ben, on écoute toujours les émissions des autres. Ici, assez fou parce qu'on est tous amis. Hein? C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On a une deuxième tantôt avec Maxime Le Mularamé, MLL. MLL. Et sa collecte. Tu décharges quoi? Oui. Point d'interrogation. C'est ça, point d'interrogation et une majuscule à télécharge, entre autres. À quoi, ça dépend des gens. On a aussi la chronique L'Ajustement avec un L majuscule et un apostrophe et un A majuscule aussi. Et là, on parle de chiropratique avec le département de chiropratique de l'UQTR. La première critique d'une longue lignée de critiques. Et Colin que oui. De chronique. De chronique. De crotique. Crotique. On pourrait dire si on veut. Restez là, l'info campus s'en vient, puis on vient juste après ça. C'est fou dans vos oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 23 février. On dirait des soutiens fois à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et le public, toujours. Ouais! Aide-moi, François, juste un peu, ça a l'air moins pathétique. Oui, super, bravo. C'est juste nous deux. Hein. C'est bravo. Nous deux et l'esclave recherchiste dans la boîte. Brahma. Brava, c'est ça? Brahma? Ah ouais? Brahma, tu connais pas? Je connais pas, non. Et je vais t'expliquer, mais... pendant la pièce. Ah, parce que c'est trop... Si, señor. Una cerveza, por favor. Señorita. Oui. On écoute Rural Alberta Advantage. C'est ça. Voici Stomp. Ouais. Assemblage requis. Dans vos oreilles. 89 FM. 891. Oh, Colin, hein? Là, je suis allé dans le vrai espagnol.

c'était The Strokes avec leur premier extrait de leur futur album Angles. La pièce s'intitulait Undercover of Darkness. Alors, le 22 mars, prochain album de The Strokes. C'était super, ça. Très, très bon. Yes. Oui, oui. Ça sonne The Strokes. Ouais. On aime The Strokes. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Donc, je vous laisse là-dessus, messieurs. Ben, c'est une bonne chronique. Merci, coach. On se revoit la semaine prochaine. Tu manques de moustache pour un coach, je trouve. Ouais, ben, peut-être pour les séries. Ah! Les joueurs. Peut-être pour les séries, les joueurs. Pour les séries, tu le ferais, mais pour Movember, non. Regarde, je suis pas les mouvements de masse. Ah, oh, parce que le hockey, c'est très, très pas de masse, ça. Hein? C'est vraiment original et très alternatif, là. C'est vrai, t'as raison. Je retire mes paroles de ce film. J'avais dit bye, je pense. Je pense que j'avais dit pas que je sûr, m'en allais, non? Pas sûr, oui. Ben, en tout cas, si tu t'en vas pas, on va te sacrer dehors. Fait que c'est comme tu veux. C'est bon. Hey, bien. Merci, Max. Bye, à la semaine prochaine, mercredi 8h, pour un Télécharge quoi? Vous êtes toujours à Assemblage Requis. On prend une petite pause et on revient avec la chronique L'Ajustement du département de chiropratique de l'UQTR. Alors, reste avec nous. Hein, François, tu veux rester là, toi? Oui, ben oui, je bouge pas. C'est bon. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage Requis. Oh oui, c'est nous, cet Assemblage Requis, c'est François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Oui. C'est Assemblage Requis. Ben, dit de même, c'est beaucoup plus compréhensible. Moi, je trouve que cette émission-là, je sais pas, vous me direz si j'ai tort, là, mérite certains ajustements. Et voici justement l'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. Oui, tout à fait, l'ajustement. Et on reçoit Chani Desgroseillers. Oui, monsieur. Du département de chiropratique de l'UQTR. Oui. Pour cette chronique-là, à toutes les semaines, tous les mercredis à cette heure-ci, 8h30 environ, tu vas nous parler de chiropratique. En effet. De quoi va avoir l'air ta chronique à chaque semaine, comme ça? Eh bien, à chaque semaine, on va commencer par introduire et expliquer aux gens ce que c'est la chiropratique. Puis ensuite, on va prendre peut-être des sujets un petit peu plus précis, parler de conditions particulières et comment la chiropratique peut nous aider avec ça. Mm-hmm. Changer votre vie. Oui. Ben, en fait, moi, ça a changé la mienne. C'est pour ça que je suis venue étudier en chiropratique. Ah, donc, pour vrai? Absolument. Ah, c'est une belle histoire, ça, quand même. Oui. Mm-hmm. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on attaque le sujet aujourd'hui? Bien, je vais commencer par vous définir c'est quoi la chiropratique, d'où ça vient, depuis quand ça existe. Parfait. Alors, si on commence avec le mot chiropratique, qui vient en fait de deux mots grecs, chair et praxis. Qu'est-ce que ça veut dire, chair et praxis? Oui, exactement, parce que c'est pas la chiropraxis, c'est la chiropratique. Bien, c'est ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, chiropratique? Oui, ça veut dire traitement avec les mains. Parce qu'en effet, les chiropraticiens, on traite avec nos mains la colonne vertébrale et différentes articulations du corps. Puis cette profession-là, bien en fait, elle existe quand même depuis un petit bout de temps. C'est un Canadien du nom de Didi Palmer qui a inventé la chiropratique en 1895. C'est Canadien? Oui, c'est un Canadien, mais il était aux États-Unis quand c'est arrivé. En fait, c'est l'histoire, ce qu'elle nous raconte, c'est que mais cet homme-là, il avait un parcours quand même assez intéressant. Il avait été étudier un petit peu le magnétisme et les différentes approches médicales. Et puis là, il y a un jour, un monsieur dénommé Harvey Lillard qui avait été le voir et lui raconte que dans sa jeunesse, il s'était blessé dans les mines et depuis ce temps-là, il n'entendait plus de son oreille. Et puis là, Didi Palmer a palpé sa colonne, a fait une impulsion au niveau où ça bougeait moins. Et puis l'histoire nous dit qu'Harvey Lillard aurait recouvert lui dans son oreille qui ne fonctionnait plus. Donc, c'est comme ça qu'est née la chiropratique. Mm-hmm. En 1895. Ça a réglé beaucoup de problèmes. En tout cas, la façon que j'ai entendu parler de la chiropratique, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à régler par la colonne vertébrale. Absolument. En fait, la chiropratique, on regarde l'être humain dans sa globalité. Mm-hmm. Et puis, nous, ce qu'on croit, c'est que notre corps humain, il a vraiment la capacité innée de se guérir lui-même. Si je prends par exemple, quand on a un rhume, le nez coule, ben le but du nez qui coule, c'est d'essayer de faire sortir le méchant, si on met ça en termes simples. Donc, on croit vraiment que le corps est capable de se guérir et de se réguler lui-même. Et c'est avec cette optique-là qu'on approche les personnes et puis qu'on va les traiter. Dans le fond, on prend toute la globalité puis on n'arrête pas non plus juste sur un aspect que, ah, bon, t'as mal dans le dos, on va s'occuper juste de ton mal de dos puis on va focusser là-dessus. Non, on va vraiment investiguer sur la santé en général. Les maux de tête, des trucs comme ça? Oui, absolument. En fait, si on regarde, par exemple, la définition de la santé selon l'OMS, l'Office mondial de la santé, la définition de la santé, c'est pas seulement une absence de symptômes. C'est vraiment un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, nous, on met vraiment l'accent là-dessus pour vraiment arriver à garder les gens en meilleure santé possible. En fait, le chiropraticien, c'est un professionnel de la santé, ça, c'est clair. Et on regarde toujours ça dans une globalité, mais un chiropraticien, ce que beaucoup de gens savent pas, c'est qu'en fait, c'est un docteur. Le programme ici à l'UQTR, c'est un doctorat de premier cycle. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui entre en médecine. Puis, il y a des possibilités aussi, après notre doctorat, de faire des spécialisations en chiropratique sportive, en pédiatrie, des choses comme ça. Mais c'est ça. Donc, moi, je peux pas m'inventer chiropratique, mettre une pancarte sur le bord de ma maison et puis... Absolument pas. Parce que vous avez un ordre, vous êtes régi par un ordre. Oui, effectivement. Et puis, mais je me posais comme question, êtes-vous, vu que, en fait, c'est un peu comme être docteur, est-ce que vous êtes autorisé, permis de prescrire des médicaments? Absolument pas. Non? Ça, c'est vraiment un acte qui est réservé aux médecins. OK. Et donc, c'est sûr qu'il faut, nous, en tant que chiropraticiens, se tenir au courant de quels médicaments prennent nos patients. Parce que des fois, il peut y avoir des contre-indications au traitement avec certaines médications que les patients peuvent prendre. Donc, c'est sûr que dans notre programme, vous voyez... on a des cours de pharmacologie, mais c'est sûr que c'est jamais aussi poussé que les médecins les pharmaciens. Les pharmaciens, ouais. Exactement. Donc, tout ce qui est côté médicaments, là, à ce moment-là, c'est hors de notre champ de pratique et donc on réfère aux médecins ou aux pharmaciens. Donc, vous, tout ce que vous avez, c'est vos mains. Oui. Mais en fait, non, on n'a pas juste nos mains. Dans les traitements, il y a parfois certains outils qu'on peut servir pour adapter nos traitements. Par exemple, si je prends une personne âgée de 86 ans qui fait de l'ostéoporose, j'aurais pas la même approche qu'avec des jeunes hommes de 20 ans comme vous qui êtes en forme et sportif, là. Donc, merci pour l'estimer de notre âge en passant. Juste. Oui, ben. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, c'est ça, il y a parfois certains instruments qu'on va servir dans nos traitements, tant pour ramener une bonne mobilité au niveau de la colonne que pour traiter les tissus mous comme les muscles. Puis, exemple on va garder l'exemple de la madame de 85 qui fait de l'ostéoporose. Oui. Est-ce que vous faites appel à d'autres professionnels de la santé, comme exemple, je sais pas, un nutritionniste ou... Pour référer à quelqu'un d'autre, c'est ça? Absolument. C'est quand je reviens encore avec l'aspect de la globalité, c'est pour ça qu'on va vraiment investiguer dans toutes les sphères de la santé de cette personne-là pour s'assurer que notre traitement puisse aider la personne, mais aussi qu'on s'assure que toutes les bases sont couvertes, si on veut. Donc, si... ça peut être difficile, par exemple. Tu sais, dans le sens que quelqu'un, mettons, exemple, qui n'est pas en bonne santé physique, peut-être que sa santé mentale a de la difficulté aussi, mais vous coordonnez avec les autres spécialistes? En fait, ça, c'est vraiment propre à chacun, mais ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de se bâtir un réseau de professionnels. Okay. Là, bon, moi, je gradue cette année, je vais m'installer en région et puis dans un petit village. Où vous en allez? Moi, je m'en vais dans le coin de Drummondville, à Saint-Germain-de-Grande-Tame, un petit village à côté. Vous venez de là? Oui, en fait, j'ai une maison, moi, où l'autre village voisin, Saint-Edmond. OK. Donc, c'est ça, je m'en retourne en région. Et donc, pour moi, c'est sûr que ça va être important de bâtir un réseau. Donc, de connaître les médecins de ma région, de connaître les pharmaciens, de connaître les nutritionnistes, les physiothérapeutes, les massothérapeutes, tous les professionnels de la santé. Eux autres, la même chose? Oui, bien absolument. Puis dans le fond, quand on regarde la santé de notre patient, comme tu me demandais tantôt, bon, si côté psychologique, là, ça va moins bien, bien, il faut que je sache à qui référer à ce moment-là, parce que c'est sûr que c'est pas ça ma profession à moi, mais je veux quand même que mon patient ait le mieux possible. Oui, c'est sûr. Puis tu peux pas non plus... comment je pourrais dire, là, t'avouer psychologue, là, tu ne pourrais pas jouer pas. Le jeu de... Absolument de pas. Ça. Absolument pas. Puis c'est pour ça que c'est important, par exemple, de faire une bonne évaluation, parce que quand on est malade ou quand on a de la douleur, ben ça s'arrête pas juste à « bon, j'ai juste mal, j'ai de la douleur ». Ça l'affecte plein d'aspects dans notre vie. Fait que c'est quand même important de couvrir tous ces aspects-là pour s'assurer d'avoir le meilleur résultat possible. Mais exemple que j'ai mal au ventre souvent. Est-ce que je vais voir un docteur en premier? C'est quoi? Je vous consulte en premier? Vous faites l'évaluation, puis après ça, vous me dites, ah, il faudrait peut-être aller consulter un médecin ou je sais pas. Là, à ce niveau-là, c'est sûr que je peux pas te faire d'examen ici, premièrement. Non, puis j'ai pas mal au ventre. Non, c'est ça. Mais mettons que tu as mal au ventre, puis c'est moi que tu viens voir en premier. Là, c'est sûr que je vais t'évaluer au mieux de ce que je peux t'évaluer avec ce que j'ai. C'est sûr qu'on n'a pas dans nos bureaux toutes les technologies pour faire des ultrasons abdominales ou des trucs comme ça. Quand on voit que ça sort de notre champ de pratique, que c'est pas nous qui pouvons t'aider, mais à ce moment-là, on va te référer. Donc, soit ton médecin de famille, soit à l'urgence si c'est très grave. C'est pour ça que notre formation, dans le fond, je reviens à ça, c'est un doctorat. C'est qu'il faut être capable de distinguer quand c'est vraiment le patient est à la bonne place, on peut l'aider, ou quand non, là, ça n'est plus de notre ressort et on doit référer. Mmh. Est-ce que ça arrive souvent? Que les gens vont vous consulter, mais vous rendez compte que... Non, vous les revirez de bord. Oui, vous êtes vraiment pas à la bonne place. Pas juste sur la table. En fait, je pourrais pas te donner de statistiques. Je sais que, bon, à la clinique ici où on fait notre internat à l'université, c'est arrivé, je sais, des cas dans le passé où on a dû référer. Moi-même, j'ai eu un patient, il s'était blessé en jouant au deck hockey. Puis, il pensait avoir une entorse parce qu'il en avait déjà eu dans le passé. Puis, il est arrivé, finalement, il avait une belle grosse fracture. Donc, moi, je peux pas traiter la fracture. Ben, il y a des choses que vous pouvez pas traiter, comme par exemple une femme enceinte. Peut pas avoir de traitement de chiro, que j'ai compris, si j'ai bien compris la chose. Non. Même pas. Au contraire. Okay. Au contraire. Il faut juste avertir à l'avance. Elle peut avoir un traitement, mais il faut avertir à l'avance, que j'ai entendu ça. Elle peut avoir un traitement, absolument. Okay. À moins qu'il y ait des signes qui soient des signes là, très spécifiques, là, qui seraient des contre-indications à l'ajustement. Mais non, au contraire, ça peut être très bénéfique parce que les femmes enceintes ont souvent des douleurs au bas de dos. Mm-hmm. Et donc, de ramener une bonne mécanique dans la colonne et le bassin peut vraiment les aider beaucoup. Mais ça, je suis pas mal sûre que ça va être le sujet d'une prochaine chronique. Oh, on va y aller plus en détail. J'ai bien hâte. Oui, certainement. Mais c'est ça. Si je reviens un peu sur la formation à l'UQTR, ce qu'on fait, c'est 5 ans d'université, 245 crédits. Donc, c'est quand même assez important comme programme. On a plus de 2300 heures de formation théorique, plus de 2500 heures de formation pratique. Puis là-dedans, on a 1500 heures de stage et d'internat. Et puis, c'est une exigence qu'on doit compléter. Là. Mmh. Quand on commence notre internat, nos heures sont comptabilisées. Là. C'est comme si on va travailler à l'usine, non? On punch out. Exactement. Puis tout est comptabilisé. Et puis, dans le fond, l'apprentissage qu'on fait, on commence par des sciences fondamentales comme l'anatomie, l'histologie. Ouais, c'est ça, j'imagine qu'il faut voir, en fait, là, vraiment. Faut comprendre la base pour ensuite construire dessus, c'est ça. Puis après ça, plus on avance dans le programme, plus on va spécialiser, puis là, commencer à voir le diagnostic et ces choses-là. Et puis ensuite, là, c'est vraiment l'accent. Là, les deux dernières années, on fait beaucoup plus de cliniques. Et puis là, c'est là qu'on commence à traiter des patients. Il y a une clinique hein, ici à l'UQTR? Oui, absolument. C'est la seule aussi. Et puis, Mais est-ce que je peux aller là? Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peuvent aller là? Absolument. Oui? Absolument. Ça fonctionne par rendez-vous? Oui, en fait, si tu connais quelqu'un déjà à la clinique qui est interne... Comme vous. En, oui. Moi, je te connais. On connaît, oui. Oui. Là, vous pourriez appeler et puis dire, oui, bon, moi, j'aimerais prendre rendez-vous avec Shani, je suis jamais venue. OK. Bon, si vous connaissez personne, parce que ça arrive, hein, on connaît personne, vous appelez. Là, les secrétaires vont vous donner un rendez-vous à votre convenance. Et ensuite, on a tout un système de distribution des patients qui ne connaissent pas personne. Et puis on appelle ça des rotations. Donc, des rejets. Non, pas du tout. Ils sont très bienvenus. Puis c'est ça, mais ça va être attribué à un étudiant selon mais un justement, ça va être attribué à une seule personne qui va vous rencontrer à chaque rendez-vous. Ça va être tout à la même personne? Oui. Jusqu'à ce que... On arrive au mois de mars. Okay. C'est ça. Genre, là, on est dans cette période de transition-là. Nous, les cinquièmes années, on termine. On est à la fin de notre internat. Il nous reste quelques exigences à remplir pour certains des traitements, de nouveaux patients, peu importe. Il y en a qui ont déjà tout terminé. Mm-hmm. Et puis là, on a les internes juniors, les quatrièmes années, qui nous suivent et qui commencent à nous suivre et rencontrer les patients parce que ça va être eux qui vont les traiter dans le futur. Bonne transition, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis là, ben, graduellement, ben, on fait les transferts des patients des cinquièmes au quatrième année. C'est bien parce que ça crée une relation de confiance entre le patient et la personne qui va traiter. Oui. Comme dans d'autres départements, comme moi, je vais à la clinique podiatrique. Bonjour à eux. C'est tout le temps quelqu'un de différent qui te suit à chaque fois. OK. Alors, en chiropratique, tu construis quelque chose. Oui, absolument. D'accord. Absolument. Mais ça, c'est toujours supervisé sous un chiropraticien. On a des chiropraticiens cliniciens qui sont là pour nous accompagner tout au long et qui vont approuver nos traitements à chaque fois. Là. À chaque fois, il faut aller les voir avant de traiter un patient. Leur expliquer. Eux autres aussi rencontrent le client? Oui, oui, absolument. La première fois que le patient vient à la clinique, la première personne qui va vraiment lui parler, ça va être le clinicien. Okay. Qui va lui demander, bon, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Poser quelques questions. Ensuite, il laisse le patient avec l'interne. Et là, nous, on garde toujours le lien entre le patient et le clinicien. Des fois, le clinicien va revenir. Disons que, bon, tu viens pour la première fois et, bon, je commence à t'examiner. Il y a quelque chose que je suis pas certaine. J'en parle à mon clinicien. Il va aller voir de lui-même. Donc, il peut revenir parfois puis faire certaines interventions. Et comme c'est un milieu d'apprentissage aussi, eh bien, au niveau des traitements, des fois, ben, les cliniciens vont tout simplement venir avec nous pour nous apprendre quelque chose de nouveau ou oui, de différent. C'est ça. Comme tranche de vie encore, j'ai bien partagé ma tranche de vie. Quand j'allais à la clinique chiropratique à côté, ici, chez vous, il y avait des problèmes avec comment tu dis, faire craquer mon cou, mettons, tu sais. Oui. Parce que ajuster je ton suis cou. Particulièrement flexible sur ces d'accord. affaires-là, qu'on me dit, pour me vanter, là. Mais bon. Donc, c'est ça, il a fallu que le clinicien vienne pour faire l'ajustement et montrer à la personne qui était là comment le faire comme il faut. Assis sur une chaise, etc., différents principes, essayer des nouvelles oui. choses que tu n'as pas nécessairement l'occasion de voir quand tu fais juste traiter les autres gens dans votre classe. Je pense que vous oui. vous traitez les uns les autres. Oui, absolument. Voilà. On se traite les uns les autres, on traite tous les étudiants du programme. En fait, on a un système qu'on appelle de lignée. Donc, je suis en cinquième année. En dessous de moi, j'ai une quatrième année, troisième année, deuxième année, première année qui me sont associées. Donc, je traite tous ces gens-là. Puis là, ben, là c'est la quatrième année là, qui commence à traiter toutes ces personnes-là. Et on traite quelqu'un dans notre classe aussi. Mais c'est sûr que quand on est au début de notre internat, souvent, on peut avoir plus souvent besoin de l'aide de nos cliniciens pour ouais. les ajustements parce qu'on n'a pas encore l'expérience. On les a appris, on les a pratiqués, mais pas autant que quand on arrive à la fin maintenant. Puis là, ben, c'est plutôt... plutôt rare qu'on va les chercher quand on a besoin. Ouais. On s'est perfectionné en quelque part. Mm. Ouais. Puis, je reviens sur le titre de docteur, parce que c'est un doctorat. Donc, on a le droit d'utiliser le titre de docteur en chiropratique, parce que, comme j'expliquais, bon, on a commencé avec les sciences fondamentales, on apprend le diagnostic et on a le droit d'établir un diagnostic. C'est ce qui fait, en fait, qu'on a le droit de posséder ce titre-là. Puis, justement, pour être capable de déterminer si oui ou non, on peut ou pas traiter la personne. Et puis, établir aussi un plan de traitement qui va être approprié et adapté à chaque personne, selon sa condition. Et puis, si, exemple, moi, je vais rencontrer un docteur, est-ce que lui peut me référer à vous pour des traitements? Oui. Ça, c'est plus rare? Ça dépend des médecins. Mais je te dirais que... Oui, le médecin peut te référer, mais c'est pas nécessaire. Okay. En fait, t'as pas besoin de référence. Comme si, disons, j'aurais besoin de voir un cardiologue, il faut que mon médecin de famille me réfère. Mais pour voir un chiropraticien, t'as pas besoin de référence, tu peux te présenter directement. Cool. Merci. C'est bon. Je pense que c'est tout le temps qu'on a. C'est tout. Ben, si vous avez terminé, si vous avez d'autres choses à dire, vous pouvez aussi. Mais non, faut s'en garder pour la semaine prochaine. C'est bon, Colin. Hey. Ben oui, des surprises. Est-ce que tu peux nous agacer un petit peu avec les sujets que tu vas aborder dans la prochaine chronique? La prochaine chronique, je vais vous parler vraiment des traitements. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait? On a touché un petit peu aujourd'hui, mais là, on va y aller plus en profondeur. Mais bon point. Je ne sais pas si vous pourriez peut-être pas amener une chaise pour faire des traitements. Vous pourriez peut-être essayer de débloquer un jeu dans le dos. Et puis, J'ai malheureusement pas le droit. Ah! Non. Et on n'a pas la place dans le studio non plus, juste pour te dire. C'est ça. Tant que j'ai pas ma licence, je ne peux pas le faire. Ah, d'accord. Donc, on va vous retrouver la semaine prochaine. C'est mercredi vers les 8h30 pour la chronique L'Ajustement. Oui, monsieur. Chenille des Groseilliers, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, madame. Merci. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Il nous reste encore une quinzaine de minutes ensemble, un petit peu moins même. Ah ben, le temps passe vite. Ah ben, ben. On va entendre Valès Pariétaire, voici comme une étoile dans l'océan. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. précision construite à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Killers avec la pièce When You Were Young. Et c'est là-dessus que se termine l'assemblage requis pour ce mercredi. Non! C'est vrai, François, Caroline. Arrête de me faire ça toujours à la même heure à chaque jour. Je m'excuse d'être porteur de mauvaises nouvelles. Oh. Donc, on va se retrouver demain matin à 7h avec deux chroniques. Hein, Phénomène avec Simon Fitzbé qui nous parle de culture rock, de phénomène de la musique rock. Et là, il continue sa série sur les Rolling Stones. Dernière partie. Dernière partie. Tout le mois de février au complet. Là, c'est la dernière, le dernier jeudi du mois de février. Finalement. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? François Landry, avec sa chronique Logocratie 101, qui va venir nous parler de politique. Bien sûr. Ça va être, j'adore cette chronique. Tout à fait. Excellente chronique et excellent contenu à tous les jours ici à Assemblage Rocky. Restez sur nos ondes parce que le contenu excellent ne fait que continuer. À 9h, c'est le voyage insolite. Que commencer. Oh oui. C'est ça, tout à fait. Mais en même temps, on n'est pas la première émission de la vie de C'est fou. Non. Non, mais que commencer dans la journée. Ah oui. Ouais, parce que peut-être. Parce que je suis avant nous autres. Wow. Donc, le voyage insolite à 9h. Ensuite, c'est l'heure internationale à 10h avec Alexandre Gauthier. À 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Et puis, en après-midi, une dose d'estrogène pour vos sorties, vos suggestions de sorties de la semaine. Oui, voilà. Mets-toi bien. Après ça, commence une lignée d'émissions de rap. Donc, mets-toi bien à 15h, Rap Contact à 17h, Volte-Face à 19h. Puis, on termine la soirée en trance avec Psy-TR à 21h. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. À demain matin, 7h. Bonne journée, François. Pro, Mathieu. Oui, c'est la journée de... La journée de... Du pro. Assez fois pas. Bye. Allez. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.